Ok, fermez vos gueules. Vous êtes vraiment une belle bande de perdants. C'est vrai. Vous êtes quoi? Des perdants. Vous êtes quoi? Des perdants. C'est sûr. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous en avez pas marre. Pourquoi vous en avez pas marre de faire un burn-out tous les 3 mois? De mentir quand on vous demande ça va? Que votre vie soit la cata? Marre de pas savoir pourquoi vous allez au travail? Tout ça pour enrichir un boss qui a pas d'âme, pour qu'il puisse acheter du lourd au piano. Marre de ces haineux qui pèsent votre karma, de se faire faire la morale par des coachs de vie bas de gamme, de ces rapaces qui veulent juste prendre ce que t'as pas, de ces start-upers qui veulent que sucer ta data, de ces sportifs abrutis sur la musique de gala. Marre de tous ces petits blancs qui parlent comme des Kaira, qui redeviennent des bobos vegans et qui mangent une patate. Y'a plus de fragiles que de pigeons dans les rues de Paname. Je pèse et féministe 2 fois la journée de la femme. Fuck ces stars qui foutent rien qu'après ça du travail, et ces bourges qui s'éclatent avec les thunes de papa, qui vous crachent à la gueule pour garder leur lifestyle. Je viens dans ton cours de yoga, je mets ma bite dans tes chakras. Ces parisiens me donnent envie de recramer Notre-Dame. Ces kebabs dégueulasses, ces bus, ces métros, ces hôtels de charme, ces magasins de luxe, de clopes électroniques, les puces, le tram. Je passe par la défense, rajoute quelques huiles sur les flammes. Rajoute tous ces politiques véreux qui pensent qu'à grimper les échelons et ce qu'ils bouffent entre midi et 2. Ils parlent de société, mais la seule chose qu'ils kiffent, c'est eux. Comme les gays qui baissent des mecs qui ont la même tête qu'eux. Message à tous ces geeks qui parlent mal. Tu vas pas respawn quand je vais t'effacer de la map. Crois-moi, critique-moi dans ton podcast de hater. Ton prochain live, c'est moi qui t'encule sur ton siège de gamer. Baisse ces médias qui postent toutes les 1 seconde, qui ont pas compris la question mais t'imposes la réponse. Tous ces influenceurs woke qui nous donnent des leçons. Dès qu'une marque arrive, y'a plus de principe, ils donnent les fions. À tous les ados sous pression qui pètent les plombs, je préfère que tu crèves que d'écouter ta dépression. Comme ces rappeurs qui s'embrouillent et font tous les mêmes sons. Voir ces mongols faire des millions, c'est le Téléthon. Et ces français qui ont tellement pas de life, qui regardent des émissions de gens qui mangent ou qui cherchent des apparts. Ces employés banals, ces garagistes qui t'arnaquent, ces quatre qui sucent des patrons qui veulent gruger la flat tax. Qui vont aussi les voir des consanguins, des trisomiques, qui font que picoler et voient que le verre à moitié vide. Qui devraient juste accepter d'être des alcooliques, parce que leurs vies sont pas drôles comme toutes les femmes comiques. Tous ces beaufs sous Célio, sous Jack and Jones, en doudoune dégueulasse avec un petit scoot sur l'épaule. Quand je vois vos styles, vos gueules, vous méritez d'être pauvres. Et quand je vois les riches dépressifs, je crois que je préfère être pauvre. Marre des jeunes qui disent boomer à toutes les sauces, comme si c'est mieux d'être des clones qui font tous les mêmes choses. Être jeune c'est surcoté, les frérots vous serez finito dès qu'il y aura un nouveau réseau. Vous êtes la pire génération, y'a pas de débat. Dépendant des chiffres, vous aimez que ce qui marche déjà. Vous allez tuer la musique, le ciné, la mode, les animés, parce que vous avez pas d'idée, vous avez juste mal recyclé. Sama, j'arrive avec 2 mannequins trop bonnes pour moi, qui vont probablement bientôt porter plainte contre moi. Parce que les faibles cherchent toujours quelqu'un à blâmer. Faire ce que tu voulais pas, c'est le concept de draguer. À tous les nazis qui m'aiment, venez même pas me parler. Je te pète les coudes, les genoux, tu formes une croix gammée. T'es juste B, crois pas qu'on est pareil. J'ai pas besoin de théorie débile pour justifier ma haine. Pareil pour les masculins qui veulent me récup. Vous avez tellement peur des femmes, je crois que c'est vous les vraies putes. Tu fais le mec viré pour cacher tes petites blessures. Je te pisse dessus comme si tu te fais piquer par une méduse. Sama, je rentre dans ta tête, t'as les yeux qui se révulsent. Sama, qu'est-ce que les moutons veulent demander de plus? Sama, je pèse trop, j'ai plus de prépuce. Zéro chance, je m'excuse, après moi le déluge. Sama.